Chapitre 5. Annonciade, maintenant, avait l'impression d'une vie nouvelle qui s'insinuait en elle. À certains moments, elle se sentait toute joyeuse, sans motif apparent. Dans le jardin, elle s'interrompait de travailler pour rêver en regardant les feuillages baignés de lumière autour d'elle. L'image de Wenaël, ses paroles, son sourire, revenaient constamment à sa pensée. Elle ne songeait pas à s'en inquiéter. Son inexpérience ignorait le péril et la livrait sans défense au charme perfide de l'étranger. Comment eût-elle éprouvé quelque crainte, d'ailleurs, quand M. Labarède et sa femme laissaient voir tant de sympathie enthousiaste pour M. de Pendelon et se montraient si naïvement fiers de l'amabilité que leur témoignait ce grand seigneur? Comment eût-elle été plus clairvoyante qu'eux, la pauvre enfant qui avait si peu vécu encore? Le printemps répandait maintenant tous ses arômes dans les jardins. Wenaël se complaisait à les respirer longuement. Il avait presque cessé les promenades au dehors et se contentait de flâner sur les terrasses, causant avec M. Labarède, contemplant la beauté des fleurs ou la splendeur de l'horizon et cherchant à rencontrer les yeux qui l'intéressaient tant. Un après-midi, vers l'heure où le soleil commençait de décliner, il se promenait sur la seconde terrasse en fumant, quand Annonciade apparut, venant des terrasses inférieures. Comme le jour où Donia Flavia la regardait, elle montait d'une allure rêveuse, les yeux baissés. Entre ses doigts, elle balançait son chapeau de paille bise et les derniers reflets de la lumière se répandaient librement sur ses cheveux d'un brun si doux. Elle ne vit M. de Pendelon que lorsqu'elle fut près de lui. Ses épaules tressaillirent légèrement et son teint devint un peu rose. Wenaël, jetant sa cigarette, dit en souriant « Vous rêviez, mademoiselle ?»« Je pensais à ma grand-mère qui est souffrante aujourd'hui. »« Pas gravement, je l'espère. »« Non, je ne crois pas, mais je m'inquiète très vite. » C'est déraisonnable. Madame Labarède paraît encore vigoureuse pour son âge. Oui, elle est généralement bien portante. Sans doute ne sera-ce qu'un malaise passager. Vous regardez, une fois de plus, le coucher du soleil, monsieur. Je ne m'en fatigue pas. Puis je n'ai plus très longtemps à en jouir. Vous partez bientôt ? La voix tremblait un peu, le sang disparut du jeune visage, les yeux purs se voilèrent sous l'afflux d'une désolation qui s'avouait ingénument. Wenaël s'appuyait au tronc d'un platane. Près de lui, contre le petit mur entourant le jardin, des branches de rosiers s'étendaient, garnies de fleurs rouges et jaunes pâles, qui couvraient la maçonnerie effritée. Annonciade, d'un mouvement machinal, peut-être pour cacher à M. de Pendelon des larmes prêtes à jaillir, se rapprocha de ce mur et son bras fin, d'une mate blancheur, frôla les corolles qui se détachèrent, glissèrent le long de sa robe sur le sol. « Oui, il le faut bien, mais je regrette beaucoup de quitter cette charmante solitude. »« Nous aussi, nous regretterons beaucoup. » Sa voix s'étrangla. Elle voulut détourner ses yeux qui se remplissaient de larmes. Mais une main, ferme et caressante à la fois, se posa sur son bras et elle vit tout près d'elle le visage, les yeux ardents de Wenaël. « Annonciade, vous pleurez ? Vous pleurez parce que je pars ? M'aimez-vous donc un peu ?» Elle ne répondit pas. Wenaël la sentit frémir sous sa main et, dans ses yeux, qui essayaient de fuir les siens, il vit cet amour, encore timide et tremblant, qui l'attendait et dont il avait joui à l'avance. Jamais aucun regard de femme ne lui avait paru plus admirable. Il avait bien prévu que l'amour donnerait à la beauté d'Annonciade tout son achèvement. Ainsi, en cette petite bastide de rose, il trouvait une de ses plus vives impressions, oui, vraiment très vive, car sous le regard de cet enfant, il sentait un frisson inconnu courir en lui. « Vous m'aimez ? Alors, je resterai un peu plus. Pour vous, Annonciade. » Il se pencha, éleva le bras qu'il tenait toujours et appuya ses lèvres sur la main fine. Annonciade eut un brusque mouvement de recul en retirant son bras. Une rougeur violente montait à ses joues et tant de surprise effrayée apparaissait dans son regard que Wenaël dit vivement « Vous n'allez pas vous effaroucher pour si peu, ma jolie fleur de Provence ?» Elle s'appuyait contre le mur sans y prendre garde. Ses lèvres tremblaient. Elle baissait les paupières pour échapper au regard de Wenaël. « Pourquoi voulez-vous me cacher vos yeux que j'aime tant et qui sont vraiment les plus beaux du monde ? Montrez-les-moi, laissez-moi y lire tout à l'aise. » Mais elle recula un peu plus en froissant d'autres roses. Sous l'étoffe légère, ses épaules frissonnèrent longuement. Répandue comme une pourpre brûlante sur la mer et l'estérel, la lumière du couchant étendait son reflet jusqu'aux terrasses fleuries, enveloppant d'une légère clarté d'aurore la jeune fille tremblante dont les cils battaient fébrilement sur la joue colorée d'une brûlante rougeur. La voix chaude de Wenaël s'éleva dans le silence lumineux parfumé. « Annonciade, je ne connais rien de plus charmant que vous. Ce soir, je vous attendrai sur la terrasse, devant le pavillon, pour vous le redire. Vous viendrez, ma chère petite amoureuse. » Cette fois, les paupières se soulevèrent, découvrant les yeux pleins d'émoi. Avant que Wenaël eût pu faire un mouvement, Annonciade s'éloigna en courant, gravit les étroits degrés des terrasses avec une souplesse de jeune chèvre. Wenaël la regarda disparaître. Il souriait avec une douceur amusée. Son but était atteint. Dans ses yeux si beaux, il avait vu l'amour, pur et sincère, qui leur communiquait tant de charme qu'il devait s'avouer en avoir été un moment ébloui tout à l'heure. Et oui, il l'aimait, cette jolie Annonciade. Vraiment, il regrettait de ne pouvoir poursuivre une telle idylle. Mais il lui était impossible de s'éterniser ici. Le régisseur de ces domaines angevins sollicitait sa présence pour décider d'importantes améliorations. Des amis l'attendaient ensuite en Norvège. Dans 15 jours, au plus tard, il devrait quitter la Bastide et ce petit coin de pays baigné de lumière où, décidément, les jours avaient coulé très vite. À ses pieds gisait le chapeau qu'Annonciade tenait à la main quand elle l'avait rencontré. Tout à l'heure, il avait glissé des mains de la jeune fille. Wenaël se baissa pour le ramasser. Pendant un moment, il considéra la paille bise qui coiffait si joliment le visage délicat. Puis il la posa sur un petit rebord de pierre. Le sourire s'effaçait de ses lèvres. Il s'adossa de nouveau au tronc du platane en croisant les bras et en regardant machinalement la mer. Un voile de flamme s'étendait sur le ciel et l'estérel n'était plus qu'un brasier. La palpitation de la mer s'éclairait de reflets d'un jaune lumineux, couleur de pâle orange. Les ombres, là où la lumière n'atteignait plus, à la base de la chaîne, le long du golfe, semblaient plus profondes, semblaient déjà de la nuit. Wenaël regardait sans voir. Il songeait à l'amour d'Annonciade, à sa beauté qui lui plaisait tant. Une griserie se glissait en lui. Elle se mêlait à un sentiment assez gênant et jusqu'alors inconnu de lui, qui ressemblait quelque peu à du remords. Le long du mur, sur le sol, des pétales jaunes et rouges s'éparpillaient. Des roses froissées, meurtries, s'enfonçaient entre les feuillages. Wenaël les considéra un moment. Les flammes du couchant se répandaient sur son visage pensif et avivaient l'éclat de son regard, un instant presque ému, maintenant redevenu ironique. Sa main esquissa un geste d'insouciance. Il pensa « Ce n'est qu'une enfant, elle se consolera. » En ce moment, elle est heureuse. Ainsi, elle connaîtra quelques jours de bonheur jusqu'à mon départ. Je lui promettrai de revenir. Je reviendrai peut-être, d'ailleurs. » Il remonta vers le pavillon, mais, contrairement à sa coutume, il ne se détourna pas pour considérer une dernière fois le ciel couleur de lilas et de feu, le soleil qui s'effaçait derrière la chaîne sombre de l'Estérel.